France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'efficacité thérapeutique des végétaux suscitait dans chaque pays le recensement des traditions des plantes qui peuvent soigner. Les simples, on sait que les simples médecines sont compliquées. On sait que l'Amazonie est déboisée, détruite. Comment ne pas s'éloigner du mode d'utilisation dans les thérapeutiques, par réductionnisme scientifique, l'approche globale, l'approche des jardins. La matinée des autres, à la fin du siècle dernier, s'intéressait aux tradis praticiens, aux remèdes chimiques et à l'ethnopharmacologie, à la médecine occidentale inadaptée dans le reste du monde. Qu'a appris l'arbre de la terre pour converser avec le ciel ? Se demandait Pablo Neruda. Le 4 septembre 1990, Jacqueline Kellen nous renseignait sur la médecine verte. La matinée des autres. La médecine verte, une émission de Jacqueline Kellen. À l'heure actuelle, si l'on fait un inventaire des produits que l'on trouve dans les pharmacies, on s'aperçoit que la plante est partout présente. Il y a grossièrement un tiers des médicaments dont l'origine est végétale. Un tiers des médicaments dont l'origine est au départ végétale, ce sont des molécules que l'on extrait dans l'arène végétale et que l'on transforme ensuite par hémisynthèse, c'est-à-dire qu'on va améliorer soit son activité, soit diminuer les effets secondaires. Et puis environ un tiers de molécules qui proviennent d'une création par la chimie. Et vous voyez donc que la part du végétal est quand même très très importante en France. Avec Jacques Florentin, Jean-Marie Pelt, Guy Roulier, Jean-Pierre Willem, Shafik Younous. Pour mettre au point donc une molécule, savez-vous qu'il faut 10 ans et ça coûte plus d'un milliard. Tandis qu'elles sont sur place. La nature, c'est une pharmacie. Une pharmacie naturelle. Les sociétés traditionnelles ont au moins un avantage sur les nôtres, c'est qu'on sait déjà qu'elles ont tenu, elles, longtemps. Quant à la nôtre, personne au monde ne peut dire aujourd'hui que nous tiendrons encore longtemps. Il n'est pas du tout impossible que nous soyons suicidaires. Je souhaite de tout mon cœur que nous ne soyons pas, mais je n'en sais rien. À cet instant, Gilgamesh lève la perche pour approcher le bateau du rivage. Utnapishtim lui dit « Gilgamesh, tu es venu jusqu'ici. Tu as enduré peine et souffrance. Que puis-je te donner pour le retour dans ton pays ?»« Gilgamesh, je vais te dévoiler une chose cachée. Oui, je vais te dévoiler un secret des dieux. Il existe une plante, comme l'épine. » Elle pousse au fond des eaux. Son épine te piquera les mains comme fait la rose. Si tes mains arrachent cette plante, tu trouveras la vie nouvelle. Lorsque Gilgamesh entend ces paroles, il ouvre le conduit qui rejoint les eaux profondes, il attache de lourdes pierres à ses pieds et descend au fond des eaux, où il voit la plante. Il prend la plante qui lui pique les mains. Il délie les lourdes pierres de ses pieds, il sort du fond de la mer sur le rivage. Gilgamesh dit à Ur-Shanabi le batelier. Ur-Shanabi, cette plante est une plante merveilleuse. L'homme avec elle peut retrouver la force de la vie. Je vais l'emporter avec moi à Uruk au rempart. Je la partagerai avec les gens, leur en ferai manger. Son nom sera le vieillard retrouvant sa jeunesse. Moi-même, j'en mangerai à la fin de mes jours. pour que ma jeunesse me revienne. » Épopée de Gilgamesh. L'ethnologie, qui est l'approche scientifique de sociétés et des cultures, Guy Roulier, a intéressé un certain nombre de scientifiques, et notamment les botanistes, qui ont donc, au Brésil et dans d'autres pays comme l'Afrique ou l'Océanie, étudié les cultures traditionnelles et les médecines traditionnelles. Donc, ils ont procédé à un inventaire des plantes locales, de leur mode d'utilisation, donc de leur vertu thérapeutique. Et ensuite, ils se sont associés, ces botanistes, à des pharmacologues qui, eux, dans leur laboratoire, ont déterminé ce qui, dans la plante, était la substance responsable des effets, éventuellement s'il y avait un effet positif ou négatif. Et c'est dans ces laboratoires qu'on s'est rendu compte que 75 à 80% de ces plantes étaient réellement efficaces. Alors ça, c'était donc l'ethnologie plus la pharmacologie, donc c'est devenu l'ethnopharmacologie, donc c'est une symbiose entre le savoir empirique et scientifique, qui est une somme de compétences, où le rôle des botanistes est déterminant parce qu'il s'agit de bien décrire les plantes, parce que le problème, c'est que beaucoup de plantes se ressemblent, et des ethnologues, des pharmacologues, des médecins, etc. Jean-Pierre Willem. Les anglo-saxons disent anthropologie médicale. Nous, on dit ethnomédecine. Ça a été découvert, le terme, vers les années 1950-1960, en Amérique, comme toujours. C'était pour venir en aide un petit peu au problème de tous les délinquants américains qui venaient de Cuba, qui venaient du Mexique, etc. et qui n'avaient pas la même culture que les Américains classiques. Et c'est pour cela donc que les psychiatres se sont lancés dans cette approche pour essayer de retrouver le fond culturel de ces gens, leurs rites et tout, et pourquoi ils sont amenés donc à faire ces petites bêtises. Jacques Florentin. Dans la pratique, il y a toute une partie de l'ethnopharmacologie qui s'effectue sur le terrain. Ça consiste à recenser des traditions, recenser le savoir-faire, recenser les plantes et leurs usages. Et il y a une deuxième partie qui est l'étude de laboratoire. Et cette étude de laboratoire se fait en milieu universitaire et va consister à démontrer l'efficacité thérapeutique de ces végétaux. Et le pharmacologue va être guidé par l'usage traditionnel. C'est-à-dire que c'est la tradition qui va lui dire cette plante, il faut l'expérimenter sur tel organe ou sur tel système. Ceci est tout à fait différent de la démarche qui a prévalu dans la découverte des grands médicaments depuis deux siècles. En effet, on s'est essentiellement intéressé à la molécule chimique et la démarche de l'industrie et des chercheurs avait consisté à identifier une molécule chimique et à expérimenter cette molécule chez l'animal pour trouver son activité. Mais je dirais sans être guidé par un usage traditionnel. Combien dure un rhinocéros une fois qu'il s'est attendri? Que comptent de nouveau les feuilles du printemps qui vient d'apparaître? L'hiver, les feuilles vivent-elles en secret avec les racines? Qu'a appris l'arbre de la terre pour converser avec le ciel? Pablo Neruda. Mais je suis un écologiste dans le sang. Guy Roulier. Mon grand-père récoltait déjà dans son Morvan natal les plantes médicinales pour alimenter la pharmacie du village. Mon père lui-même était un grand amateur de plantes, mais cela ne me prédisposait pas particulièrement à aller explorer l'Amazonie. Je crois que c'est le destin qui m'a fait signe. Je travaillais depuis déjà un certain nombre d'années en tant que praticien, ostéopathe, naturopathe et aromathérapeute. Et ce qui m'a amené en Amazonie, c'est en fait ma pratique professionnelle. Je rencontrais lors d'une visite chez un confrère à Paris, un ancien ministre brésilien. Silvio Linz, qui me parla avec des images extraordinaires de son pays et qui, voyant mon intérêt pour les plantes, m'invita à aller le visiter et aller l'explorer afin de faire connaître aux Européens les merveilleuses plantes de l'Amazonie. À Manaus, j'ai eu le privilège de rencontrer les plus grands chercheurs, ceux qui sont en train de mettre au point un catalogue des ressources de l'Amazonie. Et j'ai appris avec stupéfaction qu'environ 100 000 espèces végétales nouvelles n'avaient pas encore été étudiées. Et que ces 100 000 espèces végétales contenaient peut-être les produits qui demain permettraient de guérir les maladies sur lesquelles nous butons aujourd'hui. Et donc j'étudiais parmi les centaines de plantes que nous découvrions sur les marchés, chez les marchands, apportées par les Indiens de la forêt, quelques-unes qui pouvaient apporter un réconfort aux populations françaises et européennes. Et j'en sélectionnais un certain nombre que je ramenais et que j'expérimente depuis un certain nombre d'années et qui maintenant sont sur le marché français. La pluie ne forme pas les seuls traits d'union entre le sol et les cieux. Il en existe d'une autre sorte, moins intermittent et beaucoup mieux tramé, dont le vent, aussi fort qu'il l'agite, n'emporte pas le tissu. S'il réussit parfois, dans une certaine saison, à en détacher peu de choses, qu'il s'efforce alors de réduire dans son tourbillon, l'on s'aperçoit à la fin du compte qu'il n'a rien dissipé du tout. À y regarder de plus près, l'on se trouve alors à l'une des 1000 portes d'un immense laboratoire, hérissé d'appareils hydrauliques multiformes, tous beaucoup plus compliqués que les simples colonnes de la pluie, et doués d'une originale perfection. Tous à la fois cornues, filtres, siphons, alambics. Ce sont ces appareils que la pluie rencontre justement d'abord avant d'atteindre le sol. Ils la reçoivent dans une quantité de petits bols, disposés en foule, à tous les niveaux d'une plus ou moins grande profondeur et qui se déversent, les uns dans les autres, jusqu'à ceux du degré le plus bas, par qui la terre enfin est directement ramoitie. Telle est, semble-t-il, la fonction physique de cette espèce de tapisserie à trois dimensions à laquelle on a donné le nom de végétation, pour d'autres caractères qu'elle présente et en particulier pour la sorte de vie qui l'anime. Francis Ponge. L'Amazonie, pour beaucoup, bon, c'est une belle forêt qui est loin de nous, mais sans plus. Il faut avoir une idée de son gigantisme. L'Amazonie, c'est pas quelquefois le bois de Boulogne. C'est l'équivalent de 11 fois la surface de la France. 11 fois la surface de la France. Elle représente à elle seule plus de la moitié des forêts tropicales mondiales. Bien sûr, c'est le poumon, mais enfin, si l'on veut, parce que là, à ce sujet, il y a une discussion est tout à fait justifiée. Une forêt ne donne de l'oxygène que dans la mesure où elle ne produit pas plus de gaz carbonique que d'oxygène. Or, une forêt en équilibre, comme celle d'Amazonie, produit autant de gaz carbonique que d'oxygène. Donc on peut dire, et c'est vrai, que le bilan est nul. Cependant, ce qui est grave, c'est la destruction de cette forêt. Parce que actuellement, on peut considérer qu'il y a, grosso modo, entre 5000 et 6000 incendies simultanés. En ce moment, au moment où je parle, il y a entre 5000 et 6000 foyers d'incendies de forêt, tout simplement dans un but de défrichage. Donc on défriche, on coupe d'abord les grands arbres, après on brûle les petits arbustes, les broussailles, et ensuite on fait paître des buffles. Et au bout d'un an, deux ans, après que les pluies tropicales, n'oublions pas que là-bas, il tombe 2,7 mètres d'eau par mètre carré par an, la terre est devenue complètement stérile, complètement latérisée. Et ce qui me fait dire que actuellement, la forêt d'Amazonie, qui était le poumon du monde au moment de sa croissance, est peut-être à un stade zéro aujourd'hui, et que nous pouvons inverser le processus, c'est-à-dire éviter l'effet de serre par l'accumulation du gaz carbonique en replantant cette forêt. Et donc c'est un petit peu l'idée, si vous voulez, qui m'a chatouillé lorsque je suis allé là-bas, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des quantités de scientifiques pleins de bonne volonté, mais manquant de moyens. Et j'ai pensé modestement que je pouvais contribuer un peu par la connaissance du public de ces plantes d'Amazonie et de cette forêt, les aider à cet effort de replantation. Au contact de la civilisation, il est vrai que les Indiens perdent leur culture. Ça, c'est un gros problème. On a vu la même chose en Laponie, on voit la même chose en Afrique, où les autochtones, les indigènes, préfèrent acheter des boîtes de médicaments, souvent remplies de farine d'ailleurs, parce qu'il y a un trafic absolument énorme au niveau des médicaments ou des faux médicaments. Et ça, c'est donc le premier problème. Et puis, ces Indiens sont pourchassés. Pendant longtemps, ils ont été la cible des chercheurs d'or, des trafiquants, des aventuriers, qui les décimaient, qui les détruisaient. Et donc, on a perdu beaucoup de ce savoir par disparition de tribus entières. La première des choses qui nous paraît la plus urgente, c'est de recenser le savoir traditionnel. Jacques Florentin. Lorsqu'on a affaire à des traditions écrites, comme l'Inde ou la Chine, ces traditions subsisteront, puisqu'il y a des écrits. Par contre, si on s'adresse aux mosaïques de culture de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de la Caraïbe ou d'autres régions du monde, eh bien nous avons là un savoir qui est extrêmement fragile, car il disparaît. De la même manière que disparaissent les arbres d'Amazonie, eh bien les savoirs ancestraux disparaissent, car le métier de guérisseur n'est plus un métier en vogue, c'est un métier que les jeunes ne veulent plus suivre, ne veulent plus prendre, et d'autre part, les médecines traditionnelles sont parfois considérées comme compétiteurs vis-à-vis des médecines officielles. Alors nous avons donc un premier rôle qui est de susciter partout les recensements de ces traditions. C'est le premier point. Le deuxième, il correspond aux objectifs fondamentaux de l'Organisation mondiale de la santé, que chaque pays en voie de développement recense ses traditions et mette tout en œuvre pour intégrer la tradition dans les systèmes de santé. Tout simplement parce que, il faut faire un petit retour en arrière d'une trentaine d'années, l'OMS avait fait la constatation suivante. 80% des habitants de la Terre n'utilisent que les médecines traditionnelles et seulement 20% ont accès aux soins de santé primaires, milieu hospitalier ou médecine de ville. Et l'OMS avait pensé que ce rapport devrait s'inverser pour l'an 2000. Or, il s'est avéré au cours des années que c'était une optique totalement illusoire et absolument impossible à réaliser. On peut toujours fabriquer des dispensaires, mais encore faut-il trouver les infirmières, les laborantins, les médecins, donc le personnel qualifié. Votre savoir ne doit pas être comme un vêtement que l'on porte. Il doit faire partie de vous-même. Il ne sera pas lessivé par l'eau de votre bain. Alberoni. Les simples, comme disait Bachelard, sont très très compliqués. La France est la France, avec ses qualités et ses défauts. Nous sommes quand même le pays de Descartes. Et nous sommes d'un réductionnisme tel que nous en sommes quasiment infirmes. Jean-Marie Pelt. Dans les pays anglo-saxons, des approches, disons, globales sont considérées comme non déshonorantes pour ceux qui les pratiquent. Et bien, chez nous, si on pratique ce genre de méthode, non seulement on risque d'être considéré comme déshonorant de par la méthode, mais on est sûrement déshonoré. Et on perd à la fois ses crédits et son crédit, c'est-à-dire ses sous et sa réputation. Mais c'est très très dommage. C'est très très dommage parce que je pense que c'est le raisonnement global, le raisonnement écologique, que tout se tient et qu'il faut absolument que la démarche analytique et réductionniste qui est nécessaire comme une manière d'approche soit doublée par d'autres démarches, moins réductionnistes, qui essayent de saisir la réalité dans toute sa complexité. Enfin, toute l'écologie est basée sur cette réalité. L'écologie, ce n'est pas une longue suite d'analyses. C'est un état des lieux qui résulte d'une connaissance, bien sûr, analytique de chaque parcelle, mais qui ensuite reconstitue de parcelle en parcelle la totalité. Et la totalité, le tout, c'est plus que la somme des parties. Voilà. Donc il faut qu'on approche autrement, je crois, la réalité. Ce qui est très difficile. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait, d'ailleurs. N'est-ce pas, Descartes a dit dans son deuxième discours sur la méthode, il faut... couper les choses en autant de segments qu'il est possible. Oui, la réponse est oui, mais après on ne sait plus remonter le moteur de la voiture, vous comprenez? Alors, je préfère de loin, Pascal, qu'on n'a pas assez entendu en France, et qu'on aurait eu grand intérêt à entendre, et qui disait, je crois que tout est à la fois cause et effet, que tout est relié avec tout, que les parties d'un tout sont à la fois des éléments, mais en même temps des constituants de l'identité globale, en fait, etc. Je n'ai pas son texte, mais c'est ça son esprit. Il avait parfaitement senti, il y a déjà 300 ans, que cette méthode réductionniste de Descartes était souhaitable, mais absolument non suffisante. Et le grand drame de la science française, vraiment, c'est que nous sommes terriblement réductionniste. On va, pour un cas précis, écoutez, on va aborder maintenant les problèmes de l'écologie en mettant beaucoup d'argent sur les climats, mais on va exclure, par exemple, les gens qui travaillent sur le soleil, parce qu'on a décidé que le soleil n'agit pas sous le climat. Mais quand je dis « on a décidé », c'est une décision qui résulte du réductionnisme des sciences. On coupe les sciences en petits morceaux, toutes les sciences sont en petits morceaux, et la vie ne se laisse pas couper en petits morceaux. Voilà. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Troisième jour. J'ai fait 7 ans de médecine, comme tout médecin, et puis je suis parti à travers tous les continents. Jean-Pierre Willem. Et je me suis rendu compte qu'en pratiquant les médecines occidentales, eh bien, elles étaient bien souvent inadaptées. Elles ne correspondaient pas à une certaine demande locale là où on allait. Et en plus, bon, par la force des choses, puisque j'ai fait pas mal de guerres, j'ai été amené donc à faire de la chirurgie. Donc la chirurgie, c'est quand même une donnée indispensable. Vous ne pouvez pas contourner cette discipline. Mais pour tout ce qui est affection médicale classique, je me suis rendu compte que les produits donc, que nous exportions présentaient des effets secondaires et coûtaient cher. Donc quand vous alliez sur place avec un stock d'antibiotiques, bon, on arrivait à colmater plus ou moins donc la situation, comme par exemple en cas d'épidémie ou dans n'importe quelle mission. Et quand vous reveniez, vous aviez créé des besoins, parce que les gens ne pouvaient plus après s'offrir donc les médicaments que vous aviez apportés. Donc vous voyez, une erreur, hein. On crée donc des besoins avec une médecine qui n'est pas, je le répète, toujours adaptée. J'ai vu à l'œuvre des thérapeutes que l'on appelait à l'époque les sorciers et que l'on appelle depuis 5 ans les tradipraticiens, une appellation qui a été donnée par le professeur Attisseau, qui est le patron de la pharmacologie à Montpellier et dont le père était grand sorcier du reste au Togo. Et donc j'étais au contact de ces tradipraticiens et j'ai réalisé donc qu'ils avaient une approche qui était intelligente au niveau d'abord psychosomatique, puisque ce sont des gens que l'on peut appeler des traducteurs culturels. Ils vont dans le sens, donc, dans la toile de fond sur laquelle vivent tous ces gens. Donc, au niveau de toutes les pathologies psychosomatiques, ils ont des résultats. Et Dieu sait si la plupart de nos maladies relèvent de la psychosomatique, 8 sur 10. C'est ce que nous, donc, en Occident, qu'est-ce que l'on donne? On donne du Valium, on donne du Mogadon pour dormir. Enfin, pour moi, c'est pas très logique. Alors, donc, au niveau donc, de toute la psychosomatique, ils ont des résultats. Ensuite, il y a les plantes. Alors, les plantes qui marchent pour la plupart. On a constaté que 80% donc, des plantes marchent. mais ils ont des résultats, donc, vous voyez, au niveau des deux champs. Et c'est là que nous, avec notre médecine occidentale, on peut apporter un complément. On peut mettre à leur service toute notre technologie pour, au niveau de la botanique, au niveau de la pharmacologie, pour découvrir les effets secondaires, pour trouver la bonne posologie qu'il faut, etc. Donc il y a moyen de faire donc, un mariage avec le tiers-monde, hein, le pays riche avec le tiers-monde. J'ai pensé que le terme « médecin pieds nus » correspondait bien. Ça voulait dire qu'ils n'ont rien dans les mains, rien dans les poches. Ils sont disponibles avec leur petite musette, un petit peu comme les Chinois, les thérapeutes chinois. Ils battent la campagne, ils vont devant des gens. Et ils connaissent bien les familles, ils s'intègrent bien dans les familles, ils mangent comme les familles. Ils vivent des rites, etc. Voilà pourquoi je les ai appelés « médecins aux pieds nus ». Donc nous allons à la demande du pays, que ce soit donc au niveau du ministre, au niveau donc de la population. Ensuite, nous y allons, la première visite exploratoire, nous sommes accompagnés d'un ethnobotaniste, c'est-à-dire qui va recenser toutes les plantes. Bon, moi-même, j'ai une approche un petit peu culturelle, et nous faisons donc l'inventaire et des gens et des ressources naturelles, hein. Ensuite, donc, nous travaillons toujours avec les pouvoirs publics. Il ne faut jamais être indésirable. Il faut se noyer dans le décor. Bon, voilà un petit peu comment ça se passe. Alors, avec l'ethnobotaniste, lui, il arrive à trouver les plantes. Et puis, du reste, on les a plus ou moins maintenant. La liste de, disons, 70% des plantes. Il reste les 30% que nous cherchons donc à inventorier et que nous serons peut-être les premiers à pouvoir disposer parce que nous avons la confiance, la sympathie au sens étymologique du mot, donc des tradipraticiens. Mais alors, on va voir un petit peu s'il y a, par exemple, Euphorbia hirta, c'est-à-dire c'est une plante magique contre l'amibiase. Vous avez plein de plantes qui correspondent aux pathologies. Dans chaque pays, vous aviez les plantes qui correspondaient aux pathologies. Or, cela, ça avait été découvert dans la médecine ayurvédique. Donc, vous voyez, il faut être humble par moment. Au Mali, le problème était le problème des infections. Comme dans beaucoup de pays, les enfants meurent d'infections, de malnutrition, plus d'infections. Ça augmente d'une manière considérable la mortalité infantile. Donc, comment utiliser utilement les ressources locales pour lutter contre les infections? Eh bien, nous avons utilisé, donc c'est M. Garillon, un naturopathe français qui est allé sur place, nous avons utilisé l'extraction des huiles essentielles. Il a donc emmené au Mali 3 appareils de distillation des huiles essentielles, véhiculables à d'autres chameaux, parce que là-bas, il n'y a pas d'autre moyen de locomotion. Et donc, il en a installé 3 à des points différents, mais des endroits où il y avait des plantes à distiller. Il a trouvé là-bas une plante qui est un eucalyptus, qui est très abondant. Et l'eucalyptus, en France, lorsqu'on l'utilise au niveau des germes qui, ici, provoquent la plupart des infections, il n'est pas très antibiotique. Pourquoi n'est-il pas très antibiotique? Parce que nous sommes habitués aux médicaments. Donc les germes sont d'autant plus virulents. La virulence augmente en fonction des traitements. Et là-bas, comme c'est un peuple vierge de produits chimiques, l'huile essentielle d'eucalyptus est remarquablement efficace, et même on n'utilise pas l'huile essentielle, mais l'hydrolat, c'est-à-dire le résultat, l'eau de distillation, ce qu'on appelle l'eau florale. Et elle est très efficace pour de nombreuses infections. Je rentre du Togo et j'ai fait le tour de ce qu'on appelle les tradipraticiens, qui sont recensés maintenant, je pense qu'il y en a 760 dans tout le Togo, répertoriés par province. Et alors j'ai été accueilli par ces groupes de tradipraticiens qui ont été heureux de pouvoir collaborer avec nous, avec nos médecins aux pieds nus. Et ils m'ont proposé la chose suivante, c'est qu'ils se rendent compte de leurs limites au niveau donc médical pur et ils acceptent donc d'être formés par les médecins aux pieds nus et de procéder à un échange du savoir, c'est-à-dire que on est en train de mettre au point un institut de médecine alternative, donc coiffé par des profs, des patrons africains, des profs d'ethnobotanique, etc., donc qui sont à l'université, et ça sera un lieu de rencontre entre les thérapeutes et les techniques occidentales, les techniques les plus abordables, c'est évident, et eux viendraient un petit peu se ressourcer ou apprendre la médecine. Et après, ils pourraient retourner dans leur communauté. Et même, la petite subtilité supplémentaire, c'est qu'ils acceptent de prendre à leur côté un médecin au pied nu. Crocus sativus, safran. Tonifie et stimule le système vital, procure une sensation de luminosité, d'éclat et de bien-être, est considéré comme un tonique cardiaque. Avicenne. Citrus medica, cédratier. Le cédratier est également un tonique cardiaque. On le considère comme un remède efficace contre les troubles nerveux et les palpitations cardiaques. Avicenne. Osimum basilicum, basilic. Contient des substances volatiles, a des propriétés astringentes et vivifiantes, procure une impression de chaleur. Avicenne. Shafiq Younous. Pour l'étude des plantes afghanes, nous étions presque 3 mois par an sur le terrain. Nous récoltions donc les plantes et en même temps, Monsieur Pelt et moi, nous voudrions savoir les utilisations locales de ces plantes. Et c'est ainsi que je me suis lancé donc à l'étude des plantes médicinales et de la médecine traditionnelle afghane et ensuite l'ethnopharmacologie en Afghanistan tout court. Et que nous avons pu récolter beaucoup de plantes en Afghanistan aux environs de 3 à 4 000 espèces. Parmi ces 3 à 4 000 espèces, il y avait qui ont été utilisées dans la médecine populaire, qui est tout de même différente de la médecine traditionnelle classique de l'Afghanistan, parce que la médecine traditionnelle classique est basée sur la médecine classique islamique. Alors, c'est comme ça que je me suis intéressé. Donc, j'ai voulu approfondir les travaux que nous avons commencés avec Jean-Marie Pelt. Je l'ai étalé sur la totalité de la superficie de l'Afghanistan. Et ainsi, j'ai pu étudier donc la médecine populaire afghane d'une part et la médecine traditionnelle pratiquée dans ce pays d'autre part et la comparer avec les données de la médecine islamique et trouver éventuellement les bases culturelles qu'on trouve dans ce pays. Alors en ce qui concerne les bases culturelles, dans la médecine traditionnelle afghane, on peut voir les bases tout d'abord islamiques, bien entendu, parce que c'est un pays islamique, et ensuite on y trouve des traces et même des bases solides de la médecine ayurvédique, la médecine pratiquée en Inde, l'ancienne médecine traditionnelle de l'Iran, un peu de la médecine traditionnelle chinoise, et ce fait que la médecine traditionnelle afghane constitue aujourd'hui comme un centre culturel où on trouve toutes sortes d'influences et même on y trouve des influences grecques parce que l'Afghanistan a été occupé pendant environ un siècle par les Grecs et que ces Grecs, une fois partis ou restés en Afghanistan, ils ont laissé les traces culturelles dans la médecine traditionnelle. Kok zonun başı aldırcağım. Gazın var ve tığının. Kok su tolgun yurtuma. Nazın var ve tığının. Kok suunu bekler cevcetat. La médecine populaire, d'abord, utilise les plantes qui poussent pas loin de chez eux, ils les récoltent, mais les signes astrologiques ont un rôle très important dans la récolte des plantes, dans la façon de récolter, dans le moment de récolter, et même quand ils préparent des remèdes, je parle toujours de la médecine populaire, ils se basent sur les signes célestes. Par exemple, je peux dire qu'il récolte certaines fleurs juste à l'aube quand il y a la rosée et on pense que la rosée possède une force qui est transférée à la plante et que cette plante donc engendre une force céleste pour le traitement. Mais la médecine traditionnelle classique est différente. La médecine traditionnelle classique est basée surtout sur les données de la médecine islamique qu'on trouve sur le livre, le fameux livre d'Avicenne qui est le canon, et puis les 7 tomes de Al-Razès, c'est-à-dire Al-Hawi, qu'on l'appelle en Occident le continent. Et il y a d'autres auteurs d'origine afghane, comme Abu Ali Mansour Al-Hirawi, qui a écrit un livre de botanique et de médecine qui est fort intéressant et très peu connu parce que ce livre a été écrit, c'est un des premiers livres écrits en persan, aux environs de 750 de l'Égypte, ce qui fait 11e, 12e siècle. Il y a d'autres livres qui donnent les directives de la culture des plantes médicinales qui est également écrit en persan. Par exemple, je cite le nom de Irshad al-Zira'a, qui est un livre de base pour la culture des plantes médicinales qui a été écrit par un auteur d'origine afghane qui a vécu à Herat. Rosa damascena, rose rouge de Damas. En raison de sa substance volatile et aromatique, elle ressemble au souffle vital qui se trouve dans le tempérament. On l'emploie pour soigner les évanouissements et les syncopes, surtout quand ils sont provoqués par un tempérament où prédomine anormalement l'élément chaud. Avicenne. Nous avons répertorié dans la médecine traditionnelle afghane les 300 plantes qui sont utilisées régulièrement pratiquement dans toutes les villes et sont connues par tout le monde. Et encore, ces 300 plantes ne sont pas étudiées en totalité. Il y a quelques-unes qui ont été étudiées soit en Afghanistan, soit en France, soit ailleurs, soit en Iran ou ailleurs. Mais la plus grande partie reste à étudier et à élucider. Je veux dire par là qu'on parle d'une plante diurétique, mais on ne sait pas exactement si c'est vraiment diurétique ou pas. Elle est utilisée par l'habitude et la population est convaincue de cette utilisation. Et j'ajouterai encore une chose que en Afghanistan, plus de 70% de la population ont recours encore aujourd'hui à la médecine traditionnelle. Alors, ça veut dire que, d'une part, ils ont la foi en cette médecine traditionnelle ou populaire, et d'autre part, la médecine moderne qui existe sur place coûte trop cher. Alors, ce sont des raisons. Peut-être il y a d'autres raisons, mais je sais que dans chaque famille afghane, que ça soit une famille très évoluée ou très, disons, éduquée, ou peu éduqués, inversement, il y a toujours quelques flacons de, disons, d'anis ou de cumin ou de feuilles de menthe ou enfin des drogues banales. Vous voyez, pour soigner les maux de ventre ou bien les maux de dents ou les maux de tête, etc. La menthe, par exemple, est une plante qui est couramment utilisée pour le traitement des maux de ventre ou bien l'ispagule. Ou plantago, le plantain est émollient, comme émollient, est utilisé aussi bien en Europe qu'en Afghanistan, ou bien l'éphédra qui a été utilisé par exemple en Chine depuis millénaires est encore aujourd'hui utilisé en Afghanistan comme anti-asthmatique et ça rapproche beaucoup les données scientifiques d'aujourd'hui et le savoir d'hier parce que de cette espèce ou de ces espèces d'éphédra, on a retiré une molécule chimique qui s'appelle l'éphédrine qui a effectivement des propriétés anti-asthmatiques. Mais en ce qui concerne mes expériences personnelles, je donne toujours l'exemple de la momie. Vous voyez, momie est une résine extraitée par la montagne qui contient donc des débris de plantes, des débris de résine, enfin de matière d'origine animale, végétale et minérale. Et cette résine est utilisée en Afghanistan pour traiter les ulcères d'estomac. Et moi-même, en rentrant de la France dans les années 72, je souffrais fortement des ulcères d'estomac. Et un bon jour, un tradipraticien m'a conseillé de prendre un peu de momie pendant un mois, et que je le répète donc trois fois. Et j'ai fait la même chose. Et à la fin de chaque série ou chaque cure, je faisais des radiographies et je voyais diminuer la taille de trois ulcères que j'avais. Et aujourd'hui, je me porte très bien. Et la médecine occidentale n'a pas pu me traiter durant ma période de résidence ici, en France, vous voyez. C'est pourquoi je crois fort à la médecine traditionnelle. Je pense qu'il est très important de faire la différence entre un remède qui a une action spécifique sur une maladie, donc qui a souvent une action au niveau des plantes, une action par la présence de composants qui peuvent ne pas être dénués de toxicité, et le produit naturel qui sont consommés depuis des millénaires par les autochtones en tant que complément d'alimentation. Guy Roulier. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quelles plantes pouvaient nous amener un plus par rapport à notre pharmacopée qui est très étoffée. Et je me suis rendu compte que, par exemple, en France, il y a une carence chronique en vitamine C. Vous voyez, ça, c'est quelque chose d'énorme. Beaucoup de personnes ne consomment pas de fruits frais ni de légumes frais. Et malheureusement, le système du fast-food, de la nourriture rapide, en est grandement responsable. Donc, lorsque vous mangez de la nourriture rapide, et vous manquez de vitamine C. Et la vitamine C est très, très importante pour la santé, la longévité. Et j'ai trouvé là-bas une plante qui, d'ailleurs, se trouve dans toutes les régions tropicales, qui s'appelle la cerise de Para, Cereja de Para, plus connue sous le nom d'acérola. Donc, cette plante contient... Et je crois que le chiffre mérite d'être cité, à l'état frais, sa pulpe contient entre 40 et 100 fois plus de vitamine C que le citron. Donc avec l'équivalent d'une cerise qui fait 4,5 grammes, vous aurez autant de vitamine C qu'avec 1 kilo de citron et 1 livre d'orange. Et je connais peu de personnes qui pourront manger 1 kilo de citron par jour, 1 livre d'orange. Par contre, l'acérola, en petite quantité, même déshydratée, lyophilisée, apporte sa vitamine C. Donc j'ai trouvé que c'était un produit remarquable. Et avec les autres produits, nous les avons expérimentés. Nous avons observé toujours les mêmes effets, c'est-à-dire une diminution de la fatigue, une récupération plus rapide, pas de troubles du sommeil, alors que la vitamine C synthétique peut entraîner un état d'excitation. En plus, le produit naturel ne contient pas que de la vitamine C, notamment la acérola, mais aussi de la vitamine P. Donc, il y a un effet positif sur les vaisseaux, notamment sur les vaisseaux capillaires qu'il renforce. Alors ça, c'était donc la première plante, l'acérola. J'en ai consommé beaucoup là-bas et je peux vous assurer que malgré des journées harassantes, je n'ai jamais ressenti la moindre fatigue. La deuxième plante, et là, je pense que c'est une découverte. Voici un échantillon de cette plante extraordinaire qui s'appelle le gonfrena. Alors, j'ai eu la surprise en rentrant en France, dans un livre concernant les plantes chinoises, que cette plante existait également en Chine et qu'elle avait le même nom. Et donc, c'est une racine que les Amazoniens considèrent comme un super ginseng. Donc, c'est une plante tonique qui est un petit peu amère au goût. Et en tant que plante tonique, nous l'avons donc expérimentée en même temps que, par exemple, l'acérola, le murapuama, qui est une autre plante tonique, et le guarana. Mais celle-ci est particulièrement efficace et surtout, elle n'a aucun effet secondaire. Il n'y a pas d'effet d'excitation, ce qui fait qu'on ne peut pas la considérer comme une plante stimulante. Elle n'a pas d'effet dopant non plus. Elle est adaptogène, c'est-à-dire qu'elle permet à votre corps de mieux s'adapter aux contraintes de la vie courante. Donc, avant un effort, pendant un effort et après un effort, elle aide notre corps à être mieux oxygéné. Elle contient des substances qui permettent une meilleure oxygénation cellulaire, une meilleure désintoxication. Hein, et donc, elle peut être utilisée aussi bien par les sportifs de haut niveau que les adultes surmenés, que les personnes troisième âge. Parce qu'en plus, elle contient des substances qui régénèrent les cellules et qui permettent de lutter contre le vieillissement. Hein, pour ne prendre qu'un exemple, je citerai la bêta-ecdysone qui améliore la circulation cérébrale, ce qui est loin d'être négligeable, et l'allantoïne qui est un remarquable cicatrisant au niveau de la peau. Alors le mieux, c'est de le consommer en gélule parce que c'est un petit peu amer et surtout au cours des repas. Voilà. Donc ça, c'est pour le gonfrena. Et il y a au Brésil quantité de plantes aromatiques, comme dans tous les pays chauds, et un certain nombre sont très connus, comme le bois de rose, par exemple, ou le sassafras. Pour parler du bois de rose, c'est le cliché, si vous voulez, de toute l'évolution de l'Amazonie. Cet arbre a été découvert en Guyane, tout d'abord. Hein, ça s'appelait le bois de rose de Guyane. Et en 1925, on découvrit dans la région de Manaus, en Amazonie, un bois de rose, c'est-à-dire c'est un grand arbre, hein, ça n'a rien à voir avec le rosier, c'est un grand arbre d'une trentaine de mètres de haut, qui était supérieur au bois de rose de Cayenne. Et l'intérêt de cet arbre, c'est tout d'abord son bois, qui ressemble à celui de l'acajou, mais qui en plus veiné d'une manière très très très belle. Mais c'est surtout son huile essentielle. Le bois de rose contient une huile essentielle très riche en linalol. Et ce linalol est utilisé depuis donc cette époque par les parfumeurs. On a donc exploité le bois de rose, je dirais même surexploité, puisqu'on arrivait aux alentours des années 1970 à envoyer en Europe 400 tonnes d'huile essentielle, représentant 50 000 tonnes de bois. Donc on découpait 50 000 tonnes de bois et la plupart du temps sans replanter. Ce qui fait que le bois de rose est en voie d'extinction au Brésil. Parce qu'il faut savoir encore une chose, c'est que la forêt amazonienne n'a rien à voir avec nos forêts. Nos forêts contiennent au maximum une quinzaine d'espèces d'arbres par hectare. Là-bas, il y en a plusieurs centaines. Il y a 1600 espèces d'oiseaux, par exemple, et environ 40 000 espèces d'insectes par hectare. Donc, un arbre, un bois de rose, eh bien, vous en avez peut-être un par hectare ou un tous les 2-3 hectares. Donc, si ce n'est pas replanté, il faut que les récoltants aillent de plus en plus loin dans la forêt. Et pour acheminer le bois de rose à la rivière pour ensuite le faire flotter et l'emmener à la distillerie, il faudra encore détruire des parties de forêt pour faire des saignées, etc. Vous voyez ? Alors, le plus triste de l'histoire, c'est que après l'extermination de ce bois de rose, eh bien, un chimiste a inventé le linalol synthétique. Ce qui fait que les Brésiliens n'ont plus de bois de rose, mais utilisent du linalol pour leur parfumerie. Et que font-ils? Eh bien, ils achètent à l'Europe du linalol de synthèse. Voilà, le cercle est bouclé. Mais heureusement, aujourd'hui, de nombreux scientifiques recherchent des succès d'années du bois de rose. Et en particulier, une huile essentielle extraite d'un arbre qui s'appelle le croton cajou sara, qui est de croissance rapide et qui déjà est planté. Et on aura les premières récoltes, enfin disons les premières coupes auront lieu dans 3 ou 4 ans. Et l'intérêt, c'est qu'il a une croissance rapide, qu'il contient beaucoup de linalol, et donc c'est une des réponses au déboisement de l'Amazonie. Alors, je n'aurais pas terminé cet inventaire des quelques plantes que j'ai ramenées d'Amazonie sans parler très succinctement du baccharis ou carqueja amarga, qui est un remarquable régulateur hépato-vésiculaire et qui participe également à la réduction du poids. Et c'est un produit qui, depuis qu'il est introduit sur le marché, connaît un énorme succès. Le deuxième produit qui a été particulièrement étudié, c'est le Metenus illicifolia, hein, qui s'appelle également Espinera santa, dont la feuille ressemble un peu à une feuille de houx, et qui est remarquablement efficace dans tout ce qui est gastrite et ulcère de l'estomac. Et donc, comme on sait que l'ulcère et la gastrite sont largement reliés à l'état de stress, vous comprenez que c'est une plante particulièrement prisée par nos contemporains. Enfin, je voudrais parler d'un baume qui s'appelle le baume de Copaiba, ou baume du Para, ou baume d'Amazonie. Alors, le baume de Copaiba est utilisé depuis des temps immémoriaux comme produit de base à de nombreuses préparations. Il existe des quantités de copahu, puisque c'est le nom classique, qui va de la consistance du goudron à un liquide tout à fait limpide et cristallin. Ce copaïba, nous l'avons utilisé suite à quelques études qui ont été faites, notamment au Brésil, sur ses vertus anti-inflammatoires et cicatrisantes. Et il s'est révélé supérieur à la plupart des produits classiques. Donc ce copaïba peut être utilisé également sur les articulations douloureuses, etc. Donc nous avons là quelques exemples des vertus extraordinaires des plantes d'Amazonie. Si vous prenez des plantes parmi lesquelles on extrait des substances anticancéreuses, comme la pervenche de Madagascar, comme l'IF, il y a des travaux actuels sur l'IF, comme le ricin, il y a aussi des travaux actuels, sont toutes des plantes toxiques, mais qui, à très faible dose, deviennent des médicaments. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de frontière entre le toxique et le médicament. C'est souvent une question de dose. Jacques Florentin. Mais ça, ce sont ce qu'on appelle les plantes héroïques qui ont donné naissance aux très grands médicaments du 19e siècle et du 20e siècle. Vous avez aussi l'exemple du quinquina qui a donné la quinine, antipaludéen ou antimalarique. Vous avez ainsi dans chaque classe médicamenteuse, quelques représentants du règne végétal qui ont donné de grands médicaments. Et là, on ne peut pas parler de médecine douce, puisque ces plantes, je vous dis, sont très toxiques. Par contre, il y a un deuxième volet, ce sont effectivement des plantes qui ne sont pas toxiques, qu'on a généralement moins bien repérées, qu'on repère à l'heure actuelle, mais qu'on n'a pas repéré au préalable, justement parce qu'elles n'étaient pas toxiques. Et les plantes douces, on les avait laissées pour compte, pensant qu'elles étaient tout juste bonnes à préparer des tisanes ou des remèdes de grand-mère, et dont l'efficacité n'était pas vraiment mise en cause, mais pas non plus démontrée. Et nous, nous sommes particulièrement intéressés à ces plantes qui n'ont pas de toxicité, et qui, lorsqu'on les fait parler, si je puis dire, dans les travaux de pharmacologie chez l'animal, eh bien on s'aperçoit qu'elles obtiennent des résultats tout à fait intéressants, et dans de nombreux domaines thérapeutiques. Des plantes très banales, comme le romarin par exemple, a démontré d'une part des propriétés hépatoprotectrices, protectrices du foie, tout à fait intéressantes, et surtout des propriétés antioxydantes et antiradicalaires. Et ces travaux sont très récents, et c'est pourtant une plante très banale, mais c'est une de nos meilleures plantes à l'heure actuelle dans ces domaines. Mais le problème se pose car la tradition n'est pas forcément superposable au laboratoire. Et il va de soi que choisir une indication thérapeutique pour l'expérimenter en pharmacologie, c'est une approche très limitée par rapport aux potentialités de cette plante dans la tradition. Et c'est là que le rôle de l'ethnologue est tout à fait fondamental, car c'est lui qui va essayer de décrypter l'usage traditionnel, de le comprendre, et de guider le pharmacologue dans son expérimentation. Je prends souvent un exemple tout simple, qui est celui d'un diplômé de Harvard qui viendrait par exemple faire un travail de terrain dans la région, dans le massif vosgien. Il s'intéresse à une plante, il l'identifie, il interroge des personnes qui l'utilisent, et on lui dit voilà une plante qui est bonne pour le mal de cœur. Fort de cet enseignement, cet Américain repart en Amérique avec sa plante et va mettre en route tout un travail pharmacologique chez l'animal. Bon, mal de cœur, il pense évidemment à un problème lié au cardiovasculaire, soit à l'hypertension, soit à la tachycardie, et va l'expérimenter, malheureusement ne trouve rien. Parce que mal de cœur, dans le langage populaire, peut signifier beaucoup de choses. Bien sûr, une tachycardie, mais peut signifier aussi nausées, vomissements. Ce qui veut dire qu'on ne s'intéresse plus au système cardiovasculaire dans ce cas-là, mais au système nerveux autonome ou au système digestif, en recherchant un effet antivomitif, voire un effet antispasmodique. Mal de cœur peut signifier aussi détresse amoureuse, et à ce moment-là, l'activité serait plutôt de type anxiolytique, donc système nerveux central. Vous voyez donc, à l'aide d'un exemple très simple, le problème qu'il y a d'essayer de vérifier expérimentalement les données d'une tradition. La pharmacologie reste tout de même, je dirais, très réductionniste par rapport à la tradition, mais elle est tout de même l'outil indispensable si l'on veut que ces plantes entrent en thérapeutique. Il va de soi que si nous nous adressons à des plantes magiques, la pharmacologie restera vraisemblablement impuissante à démontrer quoi que ce soit. c'est une autre approche, un autre contexte qui n'est pas à négliger, mais sur lequel nous n'avons pratiquement pas travaillé. On a pas mal travaillé sur des plantes de l'Afghanistan, des plantes du Yémen. Nous nous sommes intéressés essentiellement à des plantes qui étaient dénuées de pratiques magico-religieuses. De la vertu de quelques herbes. L'héliotrope a une vertu admirable. Cueilli dans certaines conditions et enveloppé dans une feuille de laurier avec une dent de loup, elle fera dire du bien de la personne qui la portera sur elle. L'ortie empêche d'avoir peur si on la tient dans sa main avec du millefeuille. La verge de Pasteur aide à la reproduction des animaux. La chélidoine, placée sur la tête d'un malade, indiquera si sa maladie est mortelle ou non. La pervenche rend le feu bleuâtre. La népette retient les abeilles dans leur ruche. La langue de chien empêche les chiens d'aboyer. La jusquiame fait rompre en morceaux les tasses d'argent. Le lys fait perdre le lait aux vaches. Le gui de chêne fait s'assembler les oiseaux. La centaurée, jetée dans le feu, fait s'entrechoquer les étoiles. La sauge est multiplicatrice de serpents. La verveine est rassembleuse de pigeons. La mélisse attachée au cou d'un bœuf obligera ce bœuf à suivre qui la lui aura attachée. La rose attire les poissons dans les filets. La serpentine, mise sous la tête de quelqu'un qui est au lit, l'empêche de dormir. Le grand Albert. L'objectif, c'est, à partir du savoir traditionnel, des guérisseurs, des tradipraticiens, de tenter de répertorier ce savoir, ensuite de le valider par les méthodes de la pharmacologie. Jean-Marie Pelt. Et à partir de là, une fois qu'on a validé les propriétés supposées de telle ou telle plante, qu'on a confirmé sa réputation, en faire un médicament. Quand on dit en faire un médicament, ça n'est pas complètement évident. Ce passage d'un type de savoir traditionnel à un médicament du type de ceux que nous fabriquons nous aujourd'hui n'est pas évident du tout. Parce qu'il y a un transfert d'un type de concept à un autre type de concept, et je vous donne deux exemples. Il y a exactement 8 jours, j'ai déjeuné avec le directeur de l'Institut, qui est un ami ici, dans un petit restaurant qui est au bord de la Moselle. Et puis pendant le repas, tout d'un coup, j'ai vu qu'il bricolait une ortie. J'ai pas fait attention. Je trouve ça drôle. Bon, très bien, il y avait 3-4 personnes. On n'en a pas parlé de l'ortie en question. Et je suis parti avec lui le soir à Paris, et dans le train, il m'a dit, oh, c'est formidable. Hein. J'avais ce doigt qui me piquetait sans arrêt depuis 3 semaines, près d'un mois. J'ai pris des médicaments, ça ne marchait pas. Mais depuis que j'ai frotté l'ortie pendant le repas, tu as peut-être remarqué, j'ai dit oui, j'ai remarqué, depuis que j'ai frotté cette ortie pendant le repas, ça ne me pique plus du tout. Alors j'ai dit, mais alors tu viens de découvrir la thérapeutique par les semblables. Et j'ai dit, t'étais au courant? Non, il n'est pas du tout. Non, il n'était effectivement pas au courant du tout. Il faut dire qu'avant d'être chez nous, il était chez Roussel, où on ne pratique pas la thérapeutique par les semblables. Et en plus, il était responsable du personnel. Par conséquent, ce n'était pas du tout sa tasse de thé, comme on dit aujourd'hui. Même réaction quelques jours après avec une amie, Peul. Et là, nous avions fait un petit tour à la campagne. Elle me montrait un églantier, puis elle me dit, je vais couper l'églantier, je croyais qu'elle voulait faire des bouquets, moi. Et j'ai dit, pourquoi? Ah, ben c'est parce qu'il y a beaucoup d'épines dessus. J'ai dit, oui, alors, ouh, ça peut être bon si j'attrape une maladie où ça me pique, et je ferai une infusion avec l'églantier, je ferai bouillir longtemps bouillir dans l'eau, et après je me frotterai du haut en bas, tout le corps, avec cette eau qui a été bouillie avec de l'églantine. Ah, j'ai dit, ah bon. Mais vous voyez, dans ces attitudes, il y a chaque fois, d'une part, la prise en considération de la plante tout entière, Deuxièmement, pas seulement l'ingestion, mais aussi le traitement par usage que l'on dirait externe, qui est très important et qu'on trouve très souvent. J'ai de très nombreux guérisseurs et lors de notre colloque récent, un guérisseur de la Guyane insistait beaucoup sur le fait que quand il veut se remémorer des plantes qu'il utilise quant à leurs indications thérapeutiques, il se fait des bains et il s'enduit le corps tout entier. Vous voyez, ça c'est une aussi importante. On prend donc des plantes entières et on ne les réduit pas. Et souvent on prend des mélanges. Et si on prend des mélanges, il est pour le guérisseur strictement interdit de le réduire à ses constituants. Or, que faisons-nous ? Nous faisons l'inverse. Même en essayant de travailler sur des plantes entières comme on le fait ici, parce qu'on a fait déjà un premier pas depuis 20 ans dans la bonne direction, on fait malgré tout des extraits, puis on fractionne les extraits, puis on étudie les fractions sur les animaux, puis et par conséquent on s'éloigne. Et par conséquent on s'éloigne petit à petit du mode d'utilisation dans les thérapeutiques traditionnelles, par réductionnisme scientifique, parce que la science c'est ça. Alors, il ne faut pas que la science prétende être tout. La science, c'est une approche. Il y a d'autres approches, c'est une approche. Et nous avons maintenant tendance à dire qu'il faudra que, dans la suite, nous tenions davantage compte des modes d'utilisation traditionnels des plantes. Voici un autre exemple. Pierre Verger est un ethnologue qui a travaillé sur les médicaments des guérisseurs vaudous, des babalaos. Au Bénin, maintenant au Brésil, il a de très nombreuses formules. Et ces formules comportent toujours plusieurs plantes, jamais une seule. On a étudié plusieurs de ces plantes sans succès. Et il me dit, oui, mais il ne pouvait pas y avoir de résultat parce qu'il fallait les prendre toutes ensemble, comme je vous les ai indiquées. À partir du moment où vous les séparez, ça ne marche plus. Et de fait, dans sa thèse, Jacques Florentin a fait un essai sur des plantes cholagogues, donc pour le foie, où il a mélangé deux plantes qui, dans les pharmacopées traditionnelles du Yémen, sont en effet présentées comme mélangées, et ça marchait mieux que chaque plante prise séparément. Alors, on est, si vous voulez, devant une sorte de démarche qui est exactement le contraire de la démarche officielle de la science. Voilà. Et nous sommes actuellement à ce carrefour, et je crois qu'on est obligé maintenant de réfléchir autrement et de coller beaucoup plus près des informations que nous recueillons sur le terrain. Il ne faut pas qu'ensuite on essaie de les fourrer dans nos concepts à nous. Ça ne marche pas. La preuve que ça ne marche pas, c'est que si on veut les fourrer dans nos concepts à nous, on finit par avoir un extrait qui est moins actif forcément qu'une molécule à l'état chimiquement pur. Donc, à quelque part, on perd quelque chose. Or, si on reste proche des concepts, je pense qu'on risque de gagner quelque chose. Mais c'est une démarche totalement différente et nous sommes en train de prendre le tournant pour prendre justement cette nouvelle démarche. Tout ce que la nature crée, elle le forme à l'image de la vertu qu'elle entend y cacher. Paracelse. Ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est comment on a découvert les plantes à l'origine, avant le laboratoire. Jean-Pierre Willem. Il y avait deux façons. C'est d'abord d'observer les animaux, comment ils font. Je vais vous donner par exemple un exemple. Vous avez une antilope qui est mordue par un serpent. Elle se précipite vers un arbre, qu'on appelle longipediculanta, securidacée, enfin je vous épargne le nom latin, et elle va manger donc cette racine. Et on a constaté, après au laboratoire, que dans la racine, il y avait des principes qui permettaient donc de neutraliser l'effet péjoratif donc du venin. Donc vous voyez l'animal. Vous avez aussi, par exemple, les antilopes ou les phacochères, etc., qui déterrent l'iboga, par exemple au Gabon. Et ça les met donc bien en forme. Et l'homme a repris, donc, a suivi donc l'animal. Et vous avez les pagayeurs au Gabon qui ont besoin de force parce qu'ils traînent des gaillards dans leur bateau. Eh bien, ils prennent donc de l'iboga. Vous avez une autre façon donc de découvrir la qualité des plantes, c'est la loi des signatures. La plante vous fait signe par sa forme, par son odeur, par sa composition, pour vous dire qu'elle peut servir à telle pathologie. Le plus caricatural des exemples, c'est le ginseng que tout le monde reprend donc au niveau de l'aphrodisiaque, parce que ça ressemble plus ou moins donc aux organes sexuels. Mais ça, c'est caricatural. Mais vous en avez d'autres en Afrique. Par exemple, vous avez une plante qui marche, même plusieurs qui marchent très bien dans le lictère, qui déjaunissent lictère rapidement. Pourquoi ? Parce que la racine est là. et la fleur sont d'un jaune flamboyant qui rappelle la bile, la couleur de la bile. Et ça vous déjaunit donc un nictère dans les deux jours. Vous avez d'autres petits exemples qui sont un petit peu plus coquins, mais enfin, on peut en parler. Vous avez une plante qu'on appelle le saucissonnier en Afrique. Eh bien, savez-vous à quoi il sert ? Il sert à donner des beaux seins aux jeunes filles. Pourquoi ? Parce que la forme, rappelle, c'est un saucisson avec des gonflements aux périphéries donc du saucissonnier. Et alors, la subtilité, c'est qu'on donne la pulpe du fruit. Et on a analysé la pulpe, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Les stérols, c'est-à-dire des hormones femelles. Vous voyez ? Donc, il y a plein de subtilités. On se demande si il n'y a pas un créateur qui est là, puisqu'on parle de la nature avec un grand N, pour faire des clins d'œil et puis pour bien arranger les choses. Et c'est ça qui est merveilleux. Et puis, la vie ne fait que de commencer au niveau donc, de la découverte de toutes ces plantes. Après avoir été récoltée, la plante peut être contaminée. Elle peut être aussi contaminée avant d'avoir été récoltée. Une plante qu'on récolterait au bord d'une autoroute ne serait pas forcément excellente en ce qui concerne son taux de plomb, si vous voulez. On le sait très bien. Donc il y a le lieu de récolte qui est très important. Les conditions de récolte qui sont très importantes aussi. Les dates de récolte qui sont très importantes aussi. Le degré de maturation qui est très important aussi. J'ai des collègues allemands, c'était moins impensable en France, des collègues allemands qui pratiquent la méthode dite des cristallisations sensibles. Alors, ça consiste à mettre sur un extrait de plante une goutte de chlorure de cuivre. Et alors, il y a une image qui se forme. Et cette image est caractéristique de la plante. Et cette image est tout à fait intéressante parce qu'elle varie lorsque la plante est en mauvaise santé. Elle varie au fur et à mesure du développement de la plante. Elle n'est pas tout à fait la même lorsque la plante fleurit et lorsqu'elle va fleurir. Elle est donc en quelque sorte un instantané photographique de l'état de la plante, où il n'y a pas d'aspect analytique. Pour voir cet état de la plante, on n'a pas tout coupé en petits morceaux. Vous voyez, on est de nouveau dans une approche, disons, du totem. Alors évidemment, on a de grandes références pour ces méthodes. Goethe, par exemple, Paracels, enfin, ont travaillé comme ça et ont préconisé, c'est Steiner aussi, ces méthodes où on peut avoir une vision globale. Cette vision globale est très surprenante. J'ai vu tout récemment des clichés ainsi réalisés et on a effectivement une indication qui est très précise sur la qualité des plantes. La base ou le commencement de toutes les facultés ramène au cœur, comme l'admettent même les philosophes qui croient que la source des capacités visuelles, auditives et gustatives réside dans le cerveau. Avicenne. Il y a actuellement un débat tout à fait triste et qui m'a beaucoup affecté ces derniers mois, puisque je suis botaniste, je suis président des botanistes des facultés de pharmacie, c'est-à-dire des botanistes les plus anciens dans la tradition de la botanique. Et j'ai vu combien le ministère avait tendance à réduire, pour ne pas dire à mépriser, la recherche dans le domaine de la botanique de terrain, c'est-à-dire dans la capacité de mettre des noms sur les plantes, pour les nommer comme Adam les avait nommés dans la Bible. Bon, on considère que ceci n'est pas noble. On parle beaucoup des plantes de la forêt tropicale humide qui sont en voie de disparition, des espèces menacées, de l'érosion génétique, mais nous n'aurons mettre au pu une seule personne qui saura mettre ne serait-ce qu'un nom sur une plante parce qu'on considère que ça n'est pas noble, parce que ça n'est pas réductionniste. Ça n'est pas réductionniste. Par contre, si vous travaillez sur l'ADN du noyau, d'une cellule, d'une feuille de platane, à la limite, le de platane est en trop, parce qu'on se fiche du platane, il n'y a plus que la cellule, l'ADN et les séquences de l'ADN. Et c'est tout. Alors cette approche qui bricole, qui manipule, et qui part d'un être, cette fois-ci mort en effet, n'est-ce pas, est une approche qui fait disparaître le vivant et qui fait disparaître la vie. Et qui est peut-être l'un des grands périls de l'écologie, dont on ne parle jamais. Mais moi, je le considère que nous avons là un des grands périls de l'écologie. C'est cette terrible besoin que nous avons de tout bricoler, de tout manipuler, alors que je préférerais le Jardin d'Éden. Et dans le Jardin d'Éden, Adam se promène, n'est-ce pas, à la brise du soir avec Dieu, qui lui a donné des plantes et des animaux, et il les nomme, il leur donne un nom. Voilà. Vous voyez, c'est une autre approche. C'est une approche globale. C'est l'approche du jardin. Origan. Quand j'ai appris avec lenteur à parler, je crois que j'ai appris l'incohérence. Nul ne me comprenait, moi le premier. Et je détestais ces mots-là, qui sans arrêt me ramenaient au même puits, celui de ma personne encore obscure, encore pénétrée de ma naissance. Jusqu'au jour où j'ai rencontré sur un accotement ou dans un champ depuis peu défriché un mot, orégano, un mot qui me débroussailla comme s'il me sortait d'un labyrinthe. Je ne voulus plus apprendre aucun autre mot. Je brûlais tous mes dictionnaires. Je m'enfermais dans ces syllabes mélodieuses, rétrospectives, magiques, champêtres. Et à tue-tête, au bord des fleuves, au milieu des roseaux pointus ou dans le ciment de la citadelle, les mines, les bureaux et les veillées funèbres, je mâchonnais mon mot orégano. On aurait dit une colombe que je lâchais sur l'assemblée des ignorants. Orégano phosphorescent, tu m'as permis d'éviter de parler avec quiconque pour mieux clarifier mon destin en renonçant à la vanité du discours grâce à un langage secret, celui de l'origan. Pablo Neruda. Les Américains ont eu le courage donc de reconnaître que 30% de gens hospitalisés étaient dus à l'abus de médicaments. Bon, ça a été nécessaire, ces médicaments, puisque ça a quand même résorbé toutes les grandes épidémies, il faut le reconnaître. Il y a plus de typhoïdes, il n'y a plus de polio et tout. J'ai l'impression que ça risque de revenir, hein, entre parenthèses. Bon, ça c'est un point. Mais le deuxième point, bon, il y a eu les effets secondaires. Mais le troisième point, c'est que si on prolonge donc l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire la moyenne de mortalité, c'est 72 ans en France pour un homme et 78 pour les femmes. Les femmes, vous êtes plus tenaces, plus coriaces peut-être. Mais vous ne pouvez pas me montrer des gens de 50 ans qui n'ont rien, qui n'ont pas un peu de rhumatisme, un peu de migraine, un peu de crampes dans les mollets, etc. Et qu'apporte la médecine classique? Elle n'a aucune solution. Vous n'allez pas me dire qu'on a des produits miracles dans le rhumatisme. Vous l'avez à vie, avec tous vos anti-inflammatoires qui vous détraquent le tube digestif. Le cardiovasculaire, pareil, quand vous avez une angine de poitrine, vous l'avez à vie, avec votre bêta-bloquant, à vie. Hein, on dit surtout, n'abandonnez pas le bêta-bloquant. L'hypertension, 3,5 millions en France ont l'hypertension. Ils se retrouvent avec tout un chapelet de médicaments qu'ils connaissent par cœur. Et malheureusement, ce sont des zombies, ces pauvres gens-là. Et impuissant. Alors un homme à 50 ans, impuissant et zombie, c'est plus une vie. Bon, je veux bien croire, il peut traîner jusqu'à 72 ans, faire la moyenne. Bon, les maladies mentales, il y a pas, c'est pas le Pérou non plus. La maladie d'Alzheimer, on ne sait pas ce que c'est. On constate simplement qu'un homme sur quatre de plus de 60 ans, en l'an 2000, aura la maladie d'Alzheimer. L'avenir, donc, il n'est pas réjouissant. Et il faut réagir, et ce n'est pas un hasard si le ministre Curien a dit qu'il fallait se lancer un petit peu dans les sciences humaines. Il faut remettre une note humaine à tout cela, parce qu'il y a trop de technologiques qui sont venues. L'homme, il a disparu. Il est depuis donc, la fin du 19e siècle, avec l'introduction donc, du monde industriel, où l'on a privilégié l'avoir sur l'être. On a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un grand bond, c'est évident, mais maintenant on le paye. Et alors il faut avoir la sagesse, l'intelligence, malgré les gros lobbies qui se pointent, il faut avoir une sagesse de prendre le tournant, parce que le tournant, il faudra qu'il se fasse. La médecine, disons, moderne, technologique, a atteint son seuil d'efficacité et la plupart des maladies, pour ne pas dire 80% des maladies actuelles, sont des maladies liées à les dégradations de l'environnement. Elles sont liées au stress, mais le stress n'est pas comme on a tendance à le croire, uniquement le stress psychologique, mais la pollution de l'air, les accidents de la route, une alimentation détériorée, un environnement mental déplorable, la pollution électromagnétique, etc., etc. Et donc, il est temps, au lieu de continuer à se voiler la face et à utiliser des remèdes supplétifs ou symptomatiques, de remonter aux causes du mal, de traiter ces causes, donc de traiter notre environnement. La Terre, c'est un vaisseau qui nous porte tous, et tout ce qui se passe aux antipodes, un jour ou l'autre, nous atteindra. Hein, tout ce qui se passe à l'extrémité de la planète nous atteint directement, tôt ou tard. Tant que l'air est équilibré dans sa constitution et n'est pas souillé par la présence de substances étrangères, incompatibles avec la vie, il maintient la santé et la protège. Dans le cas contraire, il devient dangereux. L'air, en tant qu'élément, ne doit pas contenir des vapeurs et des fumées anormales. Il doit être ouvert sur le ciel, non confiné, à moins que l'air extérieur ne soit plus malsain. Autrement, l'air découvert est meilleur. L'air salubre est un air pur, limpide, non pollué par des vapeurs, émanant des marécages, des vallées, des fosses, des eaux de résurgence, des jardins maraîchers, des vents insalubres. Avicenne. Il faut bien distinguer, n'est-ce pas, les objets de la nature, donc ceux que nous fréquentons depuis la nuit des temps, et puis les objets de la technique. Ça n'est pas du tout la même chose. Prenons un exemple. Vous avez un jardin petit en banlieue et vous avez au fond du jardin un grand arbre. En plus, c'est un tilleul et il sent très très bon l'été. Et juste à côté, vous avez un pylône électrique. Bien. EDF annonce sa visite, se présente chez vous et annonce que cet arbre gêne grandement le passage des fils et qu'on va le couper. Vous poussez des protestations, vous hurlez, parce que vous avez avec l'arbre une sympathie que vous n'avez pas avec le pylône. La preuve, c'est que si EDF dit le contraire, notre ligne est désaffectée, donc on va enlever ce pylône, vous dites ouf, et vous n'essayez pas du tout de le défendre. Vous voyez, vous avez vécu avec l'un et avec l'autre pendant des années et des années et des années. Mais par rapport à l'arbre, vous n'avez pas du tout les mêmes sentiments que par rapport au pylône. Alors cet exemple, je crois, est très important parce qu'il montre que nous avons une connivence de nature avec la nature, parce que nous sommes génétiquement programmés pour ça depuis très longtemps. La matinée des autres. La médecine verte, une émission de Jacqueline Kellen. Avec Jacques Florentin, maître de conférence à l'Université de Metz, Jean-Marie Pelt, directeur de l'Institut européen d'écologie, Guy Roulier, ostéopathe et aromathérapeute. Jean-Pierre Willem, président de la faculté de médecine naturelle et des médecins aux pieds nus. Shafiq Younous, professeur à l'Université de Metz. Une des causes, je pense, du grand déséquilibre des hommes d'aujourd'hui, nos contemporains et pas seulement des urbains, c'est qu'il n'y a plus de nature et ils n'ont plus de contact avec la nature. Et moi, je propose que les écoles maternelles soient dans des jardins et que le jardin d'enfants soit un jardin tout court, pas un jardin entre guillemets, un vrai jardin, avec aussi des lapins et des poules. Et avec, donc, par conséquent, bien sûr, des fleurs, des plantes, avec des radis, avec des poireaux, que les petits-enfants verraient cultiver ou cultiveraient. Et ça change tout dans leur éducation. Complètement, ça bouleverse complètement leur éducation. Ils auront acquis là quelque chose qu'ils ne perdront plus jamais. Et ils seront automatiquement en phase avec la nature. Et en fait, l'homme traditionnel, c'est l'homme qui s'est fait, qui s'est construit, qui vit dans un environnement naturel où la nature est une maîtresse d'harmonie, de contemplation, dont il sait aussi qu'elle n'est pas toujours amie, qu'elle peut être très sévère, et il sait qu'il y a des plantes qui sont toxiques, qu'il y a des animaux redoutables, etc. Mais il apprend les rapports de force spontanément, de par sa propre expérience. Voilà. La nature tout entière est sacrée, il n'y a pas un domaine profane et un domaine sacré. Ça, c'est l'invention de Descartes, enfin, c'est l'invention de la Renaissance, c'est pas la séparation des domaines. Avant, tout était sacré. tout était sacré avant. Ça remonte peut-être un peu plus loin, mais enfin, ça remonte en tout cas à ce millénaire. Avant, tout était sacré. Alors, à partir du moment où on a séparé un domaine profane, on avait une nature qui devenait un matériau à exploiter, inerte, où on pouvait effectivement, avec ces matériaux ou ce matériau, faire ce qu'on avait envie de faire, donc le bricoler, le disséquer, le couper en morceaux, c'est-à-dire qu'on a disséqué les cadavres d'ailleurs, entre parenthèses, et je crois que cette vision de la nature est une vision terriblement réductionniste, parce qu'elle prive, ou elle nous prive, de l'aspect le plus important qui est la nature objet de contemplation. Et lorsqu'on n'a pas pu cet aspect, on perd évidemment l'essentiel. On perd l'essentiel. Il peut y avoir toute une forêt dans un aboiement de renard. Je chante le balancement des arbres, le grondement des sapins dans les couloirs de la montagne, les vastes plaines couvertes de forêts et qui en haut de la colline ressemblent à la mer, mais qui s'ouvrent quand on descend, avec leur étrange chemin d'or vert, leur silence, la fuite des belettes, l'enlacement des lierres autour des chênes, l'amour qui lance les oiseaux à travers les feuilles, comme des palais multicolores. Les plages de sable où les chevaux sauvages galopent dans un éclaboussement de poussière et d'eau. La pluie qui passe sur les pays. L'ombre des nuages. Les migrations d'oiseaux. Les canards qui s'abattent sur les marais. Les hirondelles qui tournent au-dessus du village, puis tombent comme de la grêle, et les voilà dans les écuries, à voler sous le ventre des chevaux. Les flottes de poissons qui descendent les rivières et les fleuves, la respiration de la mer, la nuit, tout ensemencé d'étoiles, et qui veut 100 milliards de siècles pour germer. Jean Giono. Texte lu par Blandine Molinier et Jacqueline Taos. Mixage Michel Kreis, Mireille Gauthier. Réalisation Christine Berlamont. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 septembre 1990. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais où, et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme à un rocher,